Vacarme avec le Montreux Comédie Festival du 28 novembre au 3 décembre. Je vous souhaite un très bel après-midi. Il se poursuit tout de suite et jusqu'à 14h avec Histoire Vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire Vivante. Messieurs les présidents, il est temps de s'en aller. Les autorités de la République démocratique du Congo viennent officiellement de confirmer la mort de Laurent Désiré Kabila. Vous savez, au Congo, comme dans la plupart des pays où les journalistes sont parfois ciblés, c'est rarement le fait de balles prises par inadvertance. Cette semaine, rencontre avec deux réalisateurs. Moi, j'ai besoin de faire un film et puis en face, il y a quelqu'un qui a besoin de moi. De Kafka à Lucha. Le militaire n'est pas dit par ici au Congo. Il tire. Au boulot, au Congo. Les Nations Unies passent. Et les gens jettent des cailloux sur ces gens, je me prends un caillou aussi, et je me dis, waouh, ça va être chaud. Le Congo est un scandale géologique, c'est un des pays potentiellement les plus riches du monde. Et puis qui a tiré? Tu sais, ce qui me soutient, c'est quand quelqu'un me dit, on est ensemble. Qui a commencé? Je suis fier parce que ceux qui m'ont mis en prison, ils sont du mauvais côté de l'histoire. Arnaud Zeitman, on va parler politique et assassinat politique. Avec deux documentaires que vous réalisez. Alors, il y a un petit format, Adieu l'enfer, et il y a un format classique, un 52 minutes, qui a tué Laurent Désiré Kabila. On les met en commun parce que, vous aurez l'occasion de nous dire pourquoi, résonne dans ces deux films un personnage qui a une aventure vraiment tout à fait singulière, qui va prendre des risques absolument démesurés, à l'intérieur de sa condition de prisonnier, tout autant pendant qu'il est prisonnier que son évasion sont à elle seule absolument spectaculaires. Mais ceci n'est jamais qu'un chapitre d'une plus grande histoire qui est celle de l'histoire Kabila. Je dis l'histoire Kabila parce que il y a d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'histoire, il y a d'abord un père, un précédent, lequel va être assassiné. Vous nous le disiez il y a quelques jours. En janvier 2001, très rapidement, le fils prend la succession et là-dessus, des questions se posent. Et d'ailleurs, vous-même, vous n'allez pas vous priver pour poser un certain nombre de questions frontalement au fils Kabila. Mais reprenons peut-être les choses dans l'ordre. Ce bonhomme, Antoine Vumilla, qui se retrouve en prison, qui est-il? Et puis, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Racontez-nous son histoire. Antoine Vumilla... J'ai fait sa connaissance à travers un ami commun, qui s'appelle Faustin Lignécoula, qui est un chorégraphe congolais, contemporain, assez connu dans le milieu de la danse contemporaine, qui est un ami. Faustin a grandi à Kisangani, avec Antoine Vumilla, ils étaient un petit groupe de jeunes, qui ont grandi dans cette ville, perdue au milieu de la forêt congolaise, au bord du fleuve Congo, à la courbe du fleuve, une ville qui a inspiré beaucoup d'auteurs d'ailleurs, puisque à la fois Népaule a écrit Sur la courbe du fleuve, qui est un roman dont l'intrigue se situe à Kisangani et qui raconte l'histoire d'un commerçant indien venu de l'océan Indien et qui se retrouve à travailler dans cette ville perdue au milieu de la jungle et à essayer d'y prospérer, alors que tout se délite autour de lui. Ou encore ce roman magistral qui est Au cœur des ténèbres de Conrad, qui lui aussi raconte l'épopée d'un homme qui va faire une sorte de voyage à la fois physique et initiatique au cœur de la condition humaine dans cette sombre forêt congolaise et aboutir dans cette ville de Kisangani où vit un homme entouré de crânes humains. Pour ce qui est certain colonel Kurtz. Absolument, qui a inspiré ce film magistral qui est Apocalypse Now. Donc Kisangani est le lieu où a grandi Antoine Vumilla avec ses amis. C'était des jeunes amoureux de théâtre et pour qui la fenêtre sur le monde était représentée par le Centre culturel français et France Inter, qui émettait à l'époque en ondes courtes sur l'Afrique. Et donc ils ont grandi nourris à ça. Et ils ont dévoré la littérature. On leur parlait à l'école, on leur parlait de négritude, des auteurs africains, etc. Eux, ils lisaient des auteurs japonais, ils lisaient des auteurs français, ils se nourrissaient. Et ils ont grandi comme ça, ils ont formé un petit club de théâtre et ils pensaient que leur monde leur appartenait. Ils sont des millions et des millions d'hommes. Ah, ah, pam, pam, pam, pam, pam. Bien fixé là. Tu regardes le milieu de la scène. Tu dois être capable de transmettre les émotions à travers ton visage, ton regard. Faustin est devenu danseur, chorégraphe, est arrivé à Nairobi, où moi je vivais à l'époque d'ailleurs, et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Faustin. Il a tenté sa chance, il a logé à la maison assez longtemps, bon, c'est devenu un ami. Et Antoine Vumilia, lui, en 96, lorsque les troupes de Laurent Kabila se sont mis en branle depuis l'est du Congo pour aller chasser Mobutu, qui était au pouvoir depuis 32 ans dans la capitale. Donc Kabila père. Hein. Oui, oui. Alors ce sont les troupes de Kabila père, ce sont les troupes rwandaises qui ont formé un petit noyau de Congolais, parmi lesquels il y avait un vieux révolutionnaire qui avait autrefois été formé par Che Guevara, mais Che Guevara en était vachement revenu, mais qui existait toujours, qui trafiquait de l'or dans le Kivu et qui avait quelques villages où il opérait et où il avait quelques hommes en armes. Mais tout ça était assez dormant et ne constituait absolument pas une menace pour l'homme fort de l'époque, Mobutu. Mais en 96, effectivement, après le génocide rwandais, le Front patriotique rwandais, donc la rébellion à dominante Tutsi, qui se battait contre le pouvoir rwandais en place, c'était des jeunes qui étaient nés dans les camps de réfugiés en Ouganda, conduite par Paul Kagame, essayent de revenir au Rwanda par la force. Dans ce contexte, le génocide est commis par l'armée régulière rwandaise, et finalement, le Front patriotique rwandais, l'armée de Kagame, arrive quand même à prendre le pouvoir dans ce pays exsangue où 800 000 Tutsis et Hutus modérés ont été tués. Les génocidaires ont pris refuge dans l'est du Congo, et donc une fois qu'ils contrôlent le Rwanda, en 1994, les hommes de Kagame organisent le pays, organisent leur armée, quadrillent ce pays des mille collines, mais ils subissent toujours des attaques qui viennent du Zaïre de l'époque. Et donc, ils décident d'aller à la conquête du Zaïre. Et donc, ils vont rappeler Laurent Kabila. Ils vont être mis en contact avec lui. Ils vont se dire qu'il fait l'affaire. Kabila forme un petit groupe avec quelques-uns. Ils forment ce qu'ils appellent l'AFDL, l'Alliance des Forces Démocratiques de Libération. Et l'armée rwandaise supplée les troupes. Et l'AFDL sert de faux-nez. C'est le visage congolais pour pouvoir dire « Ce n'est pas une invasion. Ce sont des gens, des révolutionnaires, qui sont fatigués de Mobutu. » qui décident de ramener la démocratie dans leur pays. Et longtemps après, on va se dire, tiens, oui, oui, le Rwanda, oui, oui, on les soutient, parce qu'il y a les génocidaires qui sont là, donc nous, on apporte un soutien, mais c'est leur rébellion. Et donc, sous couvert de cette rébellion congolaise, le Front patriotique rwandais, l'armée rwandaise, qui est à présent en fonction, va donc entrer au Congo et régler ses comptes au Congo. Les Nations Unies parlent d'actes de génocide, on parle de mémoire de 100 à 300 000 morts. À ce moment-là, du bébé au vieillard, c'est la vengeance. Laurent Kabila porte le chapeau, puisque c'est la figure visible de ces massacres. Ce sont des massacres, mais c'est aussi une conquête. Hein, donc ils vont traverser le pays. D'est en ouest, entre 96 et 97, le 17 mai 97, ils sont à Kinshasa, ils font tomber Mobutu, qui quitte le pays avec femme, enfant, enfin tout le clan. Et quelques bracelets, et quelques montres. Ce qui reste, oui. Mais dans ce contexte, des jeunes sont recrutés. Il y a la famille Kabila, un proche de Kabila qui s'appelle Massasu, recrute à tout va. Ils disent, il faut absolument congoliser notre armée, on va arriver, on va prendre le pouvoir, il nous faut des gens qui nous soutiennent, avec ces Rwandais, on sait pas trop où ça va mener. Et donc, ils font le tour des villages dans l'est du Congo. Et à ce moment-là, Antoine Vumilia est un jeune étudiant en droit. J'avais 20 ans et je voulais voir le changement dans mon pays. Mon pays était sous la dictature de M. Mobutu depuis 32 ans, mais l'opposition n'arrivait pas à renverser la vapeur parce que Mobutu faisait preuve d'une répression incroyable. Alors quand l'AFDL, le mouvement de Laurent Désiré Kabila, est arrivé avec une armée, je me suis dit, tiens, c'est le moment de changer les choses. On nous parlait de Che Guevara, on nous parlait un peu de marxisme, on nous parlait de Thomas Sankara, qui est un révolutionnaire africain. C'était vraiment un mouvement qui s'inscrivait dans la continuité des grands mouvements révolutionnaires à travers le monde. Je ne pouvais qu'adhérer à cela. Donc, comme de nombreux jeunes, il rejoint cette rébellion. Il faut des cadres politiques, il faut des gens qui savent lire, qui savent écrire, qui savent organiser les choses, qui ont la tête bien faite. Il en fait partie. Et il se lance dans la rébellion. Et arrivé à Kinshasa, il faut des gens, c'est un garçon à tête bien faite, donc il se retrouve agent des renseignements dans l'entourage de Kabila à Kinshasa. Un an plus tard, en 98, les Rwandais sont chassés. Kabila, il en a marre de devoir obéir aux injonctions de ce voisin qui l'a porté au pouvoir, mais qui lui dit aussi quoi faire. Et donc il dit, bon, messieurs, merci, dites-nous combien on vous doit, on a des minerais, on va trouver un arrangement, mais maintenant vous partez. Les Rwandais vont partir, effectivement, en 98, mais vont revenir à peine quelques mois plus tard et vont essayer de le faire tomber, ce qui va entraîner le pays dans une longue guerre. Antoine Vumilia, pour moi, qui arrive seulement en 2000 au Congo, je couvre l'assassinat du président Kabila, Laurent Kabila, qui se fait tuer donc le 16 janvier 2001. Et mon ami Faustin me dit, tiens, mais moi j'ai un ami qui a été quelques jours plus tard, Antoine Vumilia fait partie des gens qui sont arrêtés. Parmi l'entourage, il y a une centaine de personnes qui sont arrêtées. Il faut savoir qu'à l'issue de l'assassinat, il y a une purge, en fait. Il y a un règlement de compte entre plusieurs clans dans l'entourage. C'est un très proche de Kabila qui assassine le président. C'est son garde du corps. C'est un de ses gardes du corps qui l'assassine. Le garde du corps vient du Kivu. Il faut savoir que le Congo, c'est un pays artificiel. C'est un pays gigantesque. C'est une énorme forêt avec plusieurs pôles économiques qui sont tous au niveau des frontières de cette forêt. Donc au milieu, il n'y a rien, à part cette ville perdue qui s'appelle Kisangani, je schématise, et aux frontières, il y a des grosses villes qui sont tournées vers le pays voisin. C'est un pays qui a aussi quatre langues nationales, en plus du français. Alors il y a une identité congolaise, les gens sont très attachés aujourd'hui à l'unité de leur pays, mais c'est aussi un pays où lorsqu'on a un problème, on va plutôt voir les gens de sa propre communauté que l'État ou la nation en général. Donc c'est un pays où les gens se resserrent très fort autour de leur communauté que là-bas on appelle une ethnie. Donc il y a une guerre des services entre ceux qui viennent du Kivu et ceux qui viennent du Katanga qui depuis longtemps se disputaient les faveurs de Kabila. Kabila étant lui-même originaire à la fois des deux régions. Et donc, vu que l'assassin vient du Kivu, ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir une purge au sein des services et les Katangais vont se débarrasser de tous les Kivusiens qui gênent. Et Antoine Vumilia en fait partie. Donc quelques jours plus tard, il va au service, on l'accuse d'être impliqué dans l'assassinat, il est arrêté, emprisonné dans des conditions terribles pendant des jours et des jours, et finalement, un an plus tard, un procès a lieu, et lors du procès, tous les Kivusiens vont être condamnés pour participation, complicité, l'assassinat du chef de l'État. Ils sont une centaine à peu près. Oui, ils sont 85. Colonel et Kikapin dans la barre. Je déclare coupable d'attentat contre la vie du chef de l'État, d'une retenue aucune circonstance atténuante en sa faveur et le condamne pour cette infraction à la peine capitale. La Cour ordonne son arrestation immédiate. Capitaine Kafouadouj, aux faits anciens pour lesquels il avait été condamné. Ils ont condamné 85 personnes, dont 30 personnes à la peine capitale, parmi lesquelles moi. Monsieur Vumilia Antoine, la Cour le condamne à une peine inique plus forte, soit la peine capitale. Près d'une centaine d'autres prévenus seront condamnés sur la base de simples soupçons. La plupart à mort ou à la perpétuité pour complot, trahison et attentat à la vie du chef de l'État. Il y a eu des organisations de droits de l'homme qui ont pesé de tout leur poids pour que nous ne soyons pas exécutés. C'était devenu prison à perpétuité. Le procès contre l'assassinat du chef de l'État n'est pas terminé. Les affaires continueront et d'autres procès aussi continueront. La séance est levée. Aujourd'hui encore, il y en a plus de 40 qui sont toujours en prison. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, donc depuis 2001. Donc, c'est près de 20 ans. Et ce sont des gens qui, pour la toute grande majorité, peut-être qu'il y en a un... Alors, l'assassinat, ça a été la vengeance d'un garde du corps instrumentalisé par le Rwanda, selon les informations que j'ai pu réunir. Il y a eu un homme d'affaires libanais qui avait été dans l'entourage du chef de l'État, mais qui avait perdu son emploi là-bas, donc qui était très mécontent. Il a servi d'intermédiaire. Et il y a un petit groupe de gardes du corps qui étaient très mal payés, maltraités par Kabila, qui ont été les exécutants. Mais on ne fait pas un complot à 85 personnes. Donc, il y a eu probablement 2-3 personnes. La garde du corps qui a tué Kabila a été immédiatement exécutée. Son complice, on a retrouvé sa trace, a pris la fuite. Je l'ai retrouvé en Suède. Mais Antoine Vumilia, lui, s'est retrouvé en prison avec tous les autres. Et vu ma proximité via ce contact que j'avais, Antoine Vumilia est devenu une source à moi en prison. Et moi, j'étais journaliste et j'avais quelques sources en prison, dont lui. La prison centrale de Kinshasa, généralement connue comme la prison de Makala, est organisée un peu comme le pays lui-même est organisé. C'est-à-dire sur la base de la corruption, sur la base de l'hypocrisie, sur la base de la violence. Deux films, je le disais, Arnaud Weltmann, pour couvrir cette question de Kabila, l'un, avec Antoine Vumilia comme principal personnage, on le découvre au début de votre documentaire au théâtre, non pas au théâtre en tant que spectateur, mais en tant que dramaturge, en tant que directeur d'acteur, ce qui est déjà tout à fait surprenant, quand dans l'autre partie du film, on découvre ce qu'il a pu vivre. Parce qu'on a des images de l'intérieur de cette prison de Kinshasa, et ce ne sont pas les vôtres d'images, ce sont les siennes. Alors, comment il s'y est pris pour arriver à mettre une caméra là-dedans, et quel risque gigantesque ça lui a fait prendre? Et puis, profitez-en pour nous raconter l'histoire jusqu'à son invraisemblable évasion. Bon, je vais essayer de couvrir le procès, mais de manière concomitante, se passaient des négociations de paix qui m'ont amené en Éthiopie, au Botswana, en Afrique du Sud, le Congo, il y a eu le déploiement des Nations Unies, donc il y avait 1000 choses pour un seul homme, et ce procès, en réalité, personne ne l'a couvert convenablement. Et donc, les 100 types, ils sont partis en tôle, il y a eu un verdict. Moi, j'ai couvert le verdict, j'ai couvert quelques moments, mais il n'y a pas eu une vraie enquête, il n'y a pas eu une vraie couverture. Donc moi, j'avais nourri cette frustration de savoir que ces types étaient innocents pour la très grande majorité d'entre eux. Parmi eux, il se fait que j'avais l'ami d'un ami, et il se fait aussi que j'avais couvert l'assassinat et que ça avait été un peu mon baptême du feu en tant que jeune journaliste. Donc cet événement avait, disons, une signification particulière pour moi. Ensuite, lorsque j'ai... Tout à coup, ça m'est venu comme une révélation. Je me suis dit, bon, il faut faire un film là-dessus. Et donc, j'ai contacté Antoine Vumilia, je lui ai parlé de mon projet, je lui ai dit, écoute, moi, je peux te faire passer... Qu'est-ce que t'en penses? Et lui était tout à fait motivé. Enfin, il m'a dit, je suis ton homme, on le fait. Du coup, je lui ai fait passer une caméra et on a commencé à sortir des images. À l'époque, les caméras avaient des cassettes et donc on a commencé à faire sortir des cassettes. Puis elles ne sont pas minuscules à l'époque, elles sont plus petites qu'avant, mais c'est quand même pas... Oui, c'était des cassettes mini DV. Bon, c'est pas bien grand, mais il y avait une complicité, il y avait un gardien qui était dans la combine. Et donc, chaque semaine, je lui donnais des cassettes vierges et puis je récupérais des cassettes qui avaient été filmées. Et donc, j'étais là avec des images absolument invraisemblables d'Antoine qui filmait cette prison. Il avait caché la caméra dans la pochette de sa Bible et il circulait dans cette prison, il filmait, il interviewait les autres détenus. Et tout à coup, on avait fait entrer une caméra dans un lieu qui était un lieu où normalement on ne filme pas au Congo, quoi. Et donc, ça a pris une importance pour moi. Vous vous y attendiez à ça? Parce que on a beau le vouloir ou l'espérer... Bah, disons que ce à quoi je m'attendais pas, c'est l'importance que ça allait prendre pour moi. C'est-à-dire, ça vous isole quand vous couvrez l'actualité d'un pays et puis tout à coup, vous avez un dossier brûlant sur lequel vous êtes. Bon, ça prend une place importante dans sa tête, dans sa vie. Ça devenait aussi dangereux de... Parce qu'il y a eu des péripéties. À un moment, il s'est fait attraper avec sa caméra. Il a passé 5 semaines... non pas au mitard, là-bas c'est le contraire, il a passé 5 semaines en cellule collective avec les détenus qui ont la gale, qui sont malades dans des conditions horribles. Donc il a une punition de 5 semaines, bon on a réussi à faire passer un peu de sous, tout ça, mais si les services de sécurité avaient été organisés, ils seraient remontés jusqu'à nous. Parce qu'en plus, il y avait dans les images, il y avait des enregistrements de ma voix, il y avait des choses où on avait été en contact, ils auraient pu remonter jusqu'à nous, on lui avait rendu visite précédemment, ils auraient pu se renseigner. Par chance, bon, c'était... mais on a eu peur avec Marlène, Rabault, on est plusieurs fois partis de la maison pendant quelques jours parce qu'il y avait eu des indices. Donc c'était, vous savez, au Congo, comme dans la plupart des pays où les journalistes sont parfois ciblés, c'est rarement le fait de balles prises par inadvertance. Le journaliste qui est ciblé est généralement celui qui travaille sur un dossier brûlant. Donc là, on était sur un dossier brûlant parce que c'est aussi l'assassinat du papa du chef de l'État. Joseph Kabila était au pouvoir. Il savait pertinemment que ceux qui ont été condamnés sont innocents. Il le sait pertinemment. Mais c'est la raison d'État. Il fallait présenter des coupables à la population. Et pour tous les gens de l'entourage du chef de l'État, ils savent que ça, c'est le dossier dont il ne faut pas parler au chef de l'État. Pas touche. Parce que c'est son papa qui a été tué. Alors, il faut le laisser tranquille. Et donc, c'est tout à fait normal pour les gens que 85 personnes innocentes payent le prix, portent le chapeau. Et même quand vous lui posez frontalement la question directement, en conférence de presse, vous êtes au milieu d'autres journalistes, c'est pas la première fois à l'évidence, vu sa réponse, que vous lui posez la question. Lui estime que vous le harcelez. Il accepte de répondre dans son langage à lui. Il noie une fois de plus le poisson en s'abritant derrière précisément ce que vous dites comme forme de défense. Monsieur le Président de la République, vous avez parlé de l'impunité. Vous avez dit qu'elle ne pouvait plus prévaloir. Mais il y a des gens qui sont en prison. Les personnes qui ont été jugées dans le cadre du procès de l'assassinat de votre père. Un procès qui a été décrié par les organisations de droits de l'homme comme un procès inique. Parmi ces gens, il se peut qu'il y ait des innocents. Est-ce que, Monsieur le Président, vous avez l'intention de rouvrir ce procès un jour ou bien de prononcer une amnistie? Merci. C'est la troisième fois que Monsieur Zaitman me pose la question et je lui ai toujours donné la même réponse. Écoutez, je ne suis ni le président de la Cour suprême, ni le procureur général de la République d'ailleurs, ni l'auditeur. Alors, je n'aimerais pas ici influencer la décision de la justice congolaise. Aucun recours judiciaire n'est possible parce que les avocats n'ont même pas eu le verdict avec tous les attenants au verdict. Et donc, ils ne peuvent pas initier une procédure de recours parce qu'ils n'ont pas les documents pour initier cette procédure. Sachant aussi que les personnes condamnées l'ont été par une cour militaire qui n'existe plus, qui a été dissoute ensuite. Donc, le procureur qui a condamné toutes ces personnes, lui-même s'est retrouvé en prison dans un autre dossier un an plus tard. Mais pour revenir à Antoine Vumilia, donc on se lance dans cette aventure ensemble. On commence à avoir des images, des témoignages très forts de cette vie en prison, une chronique de la vie au quotidien dans cette prison de Kinshasa. Et puis, l'idée du film est née à ce moment-là. Donc lui, il filme la prison. Moi, je mène l'enquête à l'extérieur et je trouve différentes personnes qui acceptent de me parler. Je vais jusqu'en Suède. Je trouve une boîte de production qui accepte de me soutenir aussi. C'est important lorsqu'on fait un film. Et puis, la fin de l'aventure, c'est qu'on est en montage et se pose la question aussi de la sécurité d'Antoine Vumilia. Qui est encore, à ce moment-là, toujours... En prison. Et donc, bon, d'une part, d'un point de vue amical, il y a une amitié qui est née entre lui et moi. Et moi, je lui avais dit, écoute, on va essayer de te sortir de là. Et puis ensuite... En montage, par rapport à la sortie du film, on ne pouvait pas sortir le film avec ce type qui était en prison, qui était dans la gueule du loup, qui risquait de se faire tuer une fois que le film sortait, même si lui était prêt, il nous l'a dit, il s'est enregistré nous disant « Je veux que vous fassiez ce film, il faut aller, même si je dois mourir, je suis déjà mort de toute façon, ça fait 10 ans que je suis dans ce mouroir, je veux que ce film sorte. » Pour rappel, il a également, sa femme est partie, il a 2 enfants, donc pour prendre une pareille décision... C'est dire à quel point l'homme est engagé. Il va jusqu'à engager sa propre existence, quand bien même il est père de 2 enfants. Bon, il avait une volonté presque un peu messianique, christique, comme ça. Et nous, on était en montage, il fallait absolument le sortir de là. Et il avait une nièce, et on a donc travaillé ensemble avec sa nièce. Et elle lui a fait parvenir un costume de femme, à sa mesure... Un très beau costume, un très bon costume. Et elle est allée le maquiller en prison. Le dimanche, c'était jour de visite, donc elle est allée dans sa cellule. Elle a profité de ce qu'on appelle les visites des couples, quoi. Quand les couples se retrouvent en prison, elle a profité d'une visite où elle avait accès à la cellule. Elle l'a maquillée en femme. Et nous, ce jour-là, avec Marlène, on était en salle d'accouchement parce que il y avait notre premier enfant qui avait décidé de sortir ce jour-là également. Quel dimanche ! Oui. Et on a reçu un message d'Antoine disant « C'est jour de sortie, je suis dehors ». Et donc, il recouvrait la liberté pour la première fois, retrouvait ses enfants et nous, on donnait naissance au nôtre. J'ai mis le pied dehors, j'ai touché le sable et j'ai regardé en l'air, j'ai vu... des arbres, les manguiers qui sont là, j'ai dit, tiens, c'est vrai, je suis dehors. Et c'était incroyable, j'ai senti le vent qui me balayait le visage. C'était pour moi la liberté, une nouvelle vie, une nouvelle naissance. Je revenais au monde. J'ai pu traverser le fleuve clandestinement pour me retrouver à Brazzaville. Et arrivé à Brazzaville, l'un des moments les plus joyeux pour moi, c'est quand finalement, j'ai pu revoir mes enfants. Arnaud Zaitman, au moment où nous nous rencontrons, nous sommes à la mi-novembre. Des élections sont très attendues au Congo à la fin décembre. Vous qui avez quand même, on l'aura compris, tout de même une petite pratique de la vie politique du Congo et de ce pays plus largement, Que faut-il, je ne demande pas de lire dans le marc de café évidemment, mais que faut-il attendre ou regarder avec attention de ces élections? La première chose à observer évidemment, ce sont les conditions dans lesquelles elles se passent et la façon dont les votes sont comptabilisés. Aujourd'hui, il y a une grande controverse parce que ils ont décidé d'avoir recours à un vote électronique à travers ce qu'ils appellent une machine à voter, qui est une sorte d'écran tactile, qui fonctionne sur un logiciel fourni par une entreprise sud-coréenne, dont même le gouvernement sud-coréen a dit que eux, ils n'endossaient pas la responsabilité de ce logiciel. Donc il y a une grande crainte que le logiciel soit un logiciel qui permette la fraude. Ensuite, bon, la bonne nouvelle, c'est quand même que Joseph Kabila, au pouvoir depuis 16 ans aujourd'hui, a annoncé qu'il ne se représenterait pas. Cependant, il a nommé un dauphin qui est un personnage peu connu, qui n'a pas de véritable base électorale. Et donc, la crainte de beaucoup de Congolais, de beaucoup de gens qui aimeraient bien voir une démocratie émerger dans ce pays, c'est que Kabila gouverne en sous-main par l'entremise de ce dauphin. L'autre chose aussi à observer, je pense, c'est de quelle façon l'opposition va réussir ou pas à s'unir. Il y a des grandes personnalités de l'opposition qui ont été exclues de ce scrutin, deux principalement. Jean-Pierre Bemba, donc un ancien rebelle. Moi, j'avais donc été filmé dans son fief lors de mon premier voyage au Congo en 1999, dans le nord-ouest du pays. Jean-Pierre Bemba a depuis lors été condamné par la Cour pénale internationale et ensuite innocenté, puisqu'on n'a pas le procureur n'a pas réussi à établir sa responsabilité dans les massacres dont il était accusé. Jean-Pierre Bemba, sur cette base, a été exclu du scrutin électoral congolais. Le gouvernement a prétendu, oui, il a un casier judiciaire, il a fait l'objet d'une condamnation, parce que il faut savoir qu'il a été innocenté pour cette accusation, mais cependant, Jean-Pierre Bemba, au cours de ce procès, a été condamné pour subordination de témoins. Ils avaient, au cours du procès, selon l'accusation, donné de l'argent à des témoins pour qu'ils fassent des faux témoignages devant la cour, et donc il a été condamné à 1 an de prison, qu'il a largement purgé, puisqu'il a passé, si mes souvenirs sont bons, une dizaine d'années en détention devant la CPI, à La Haye, alors qu'il n'aurait pas dû. Donc, Bemba ayant été écarté sur cette base par le gouvernement congolais, c'est un homme qui a quand même fait, lors des élections de 2006, à l'époque les élections étaient en 2 tours, il avait affronté Kabila au 2e tour, et avait perdu avec 42% des votes. Donc Bemba a été écarté. L'autre homme qui a été écarté, c'est Moïse Katumbi, qui est l'homme du Katanga, un métis, qui a été gouverneur du Katanga pendant de longues années, qui est très populaire au Katanga, notamment via un club de foot, le tout-puissant Mazembe, qui est un grand club de foot en Afrique, un club originaire du Katanga. Donc Katumbi a été lui aussi écarté de la course par le gouvernement sur la base d'un dossier, c'est une question judiciaire sur un bâtiment dont il aurait revendiqué la propriété mais qui en réalité ne serait pas le sien. Bon, j'ai pas suivi les dossiers dans ces dessous, mais je sais que beaucoup de gens affirment que ce dossier a été monté toute pièce pour l'écarter et pour que le pouvoir puisse s'en débarrasser, parce que Katumbi est quand même un homme qui est en odeur de sainteté en Occident, c'est un homme qui travaille dans les mines, l'Occident aurait bien aimé le voir au pouvoir, je pense. Et donc aujourd'hui, il reste des personnalités de second plan, il reste le fils de l'opposant historique Étienne Tshisekedi, qui lui est dans la course, il reste un autre qui s'appelle Vital Kamerhe, qui est un ancien proche de Kabila. Bon, il reste quelques personnalités. Mais ça ressemble quand même au boulevard du Dauphin, là. Voilà, il reste des personnalités. D'abord, il faut voir si elles vont arriver à s'unir derrière une seule candidature à opposer au Dauphin. C'est ça l'enjeu, en fait, pour l'opposition. Et c'est pas sûr qu'ils vont y parvenir. Nous parlerons demain, en compagnie de Marlène Rabault, de son travail, de leur petit dernier, Arnaud Zatchman, vous y êtes là, producteur. Le documentaire s'intéresse à ces jeunes gens qui luttent pour le changement, d'où le nom de leur groupe, Lucha. Le documentaire est intitulé « Congo, Lucha ». Cette semaine est réalisée par Jérôme Nussbaum. À demain. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Jérôme Nussbaum, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.